Et sur le plan international, il y a quelques jours, les États-Unis ont rejoint la coalition anti-avortement à l'ONU, composée de 19 pays, dont l'Arabie Saoudite et la Russie. Et le 7 octobre, la troisième commission de l'ONU a publié le bilan de l'égalité homme-femme en mettant l'accent sur les défis qui restent à surmonter. Par ailleurs, le 25e anniversaire de la déclaration de Beijing sur l'émancipation des femmes sera en septembre 2020. Donc, du coup, dans ce contexte bouillonnant sur les droits et les conditions des femmes, qu'en est-il, du coup, sous l'angle de la stratégie et de la défense ? Les femmes sont souvent perçues comme des victimes dans les conflits armés, notamment en raison des différentes violences dont elles font face. Mais elles sont de plus en plus présentes dans les armées nationales et peuvent aussi être actrices dans la guerre et dans la mise en place de la paix après un conflit. Donc les conflits et les instabilités politiques et sociales affectent considérablement les conditions et droits des femmes. Dans les situations de guerre, les femmes sont soumises à des viols, l'exploitation sexuelle, des grossesses forcées, la prostitution et le trafic. On est d'accord que tu parles bien au présent, c'est pas quelque chose qui faisait partie du passé et qui n'existe plus aujourd'hui, c'est bien un problème actuel. Oui, tout à fait. En fait, c'est un problème qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui. Donc ça existe aussi de partout dans le monde, c'est pas uniquement dans une zone géographique spécifique. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de nombreuses femmes qui ont été forcées de se prostituer. Donc, près de 50 000 femmes ont été utilisées dans les maisons closes du Troisième Reich et 20 000 en tant que femmes de réconfort pour les soldats japonais. Femmes de réconfort, mais quelle expression. Et en 1992, entre 20 000 et 50 000 femmes ont été sexuellement abusées dans la rue, dans des camps de viol ou centres de grossesse forcées par l'armée serbe. On estime que durant ce conflit, entre 30% et 50% des femmes en âge de procréer ont été violées. Les pays d'Afrique ne font pas non plus exception, comme la République centrafricaine entre 2001 et 2003, le Congo de 1998 à 2000, le Rwanda en 1994 ou la République démocratique du Congo depuis 1996. D'ailleurs, on estime qu'il y a plus de 20 000 viols par an en RDC. C'est énorme. Et plus récemment, on observe dans les conflits au Moyen-Orient que les femmes font aussi face à des violences sexuelles. Donc, par exemple, les femmes issues de la minorité yézidi sont offertes en mariage à des combattants de l'État islamique. Voilà, donc, la femme représente une arme stratégique en temps de guerre, car elle a une position symbolique dans les sociétés. Donc le corps de la femme, notamment sa sexualité et sa capacité de reproduction, est un grand enjeu pour l'obtention des terres et l'honneur. Donc en parlant du conflit religieux lors de la sécession entre l'Inde et le Pakistan, Urvashi Bhutalia, une historienne indienne, explique que l'honneur de la femme est intimement lié à celui de la nation. Qu'ainsi, la violation du corps de la femme signifie la violation de la nation. Et d'ailleurs, l'Observatoire international des violences sexuelles dans les conflits armés définit le viol comme une arme visant la destruction individuelle de la victime, mais aussi la destruction collective de la communauté. Le viol d'une femme vise la nation tout entière, les ancêtres et les générations futures. Ça s'apparente à une invasion du corps féminin par l'ennemi. De plus, le viol induit un risque de grossesse, de sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles, ce qui rend l'agression durable dans le temps. Par contre, il est important de noter que les violences sexuelles peuvent aussi concerner les hommes. C'est beaucoup moins médiatisé, il y a encore un important tabou lié au concept de masculinité. Mais c'est aujourd'hui un sujet connu à cause du scandale autour de Guantanamo, mais très peu pris en considération. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement du scandale autour de Guantanamo ? Parce que j'avoue, je n'ai pas vraiment vu ça passer. Alors c'est un scandale qui date il y a quand même déjà plusieurs années. Je ne saurais plus exactement quelle date, mais c'est des vidéos qui ont fuité. Des vidéos d'hommes qui étaient violés, harcelés, humiliés par les gardiens de Guantanamo. Sympathique. Et donc, tu disais que le viol et les agressions sexuelles concernaient aussi les hommes. Et donc, est-ce que ça a une signification particulière sur les hommes, comme ça sur le corps des femmes, ou pas ? Non, non, en fait, le viol des hommes va atteindre l'individu personnellement, sa masculinité personnelle, mais ça ne va pas atteindre la société parce qu'il n'y a pas... Le corps de l'homme n'a pas la même place que le corps de la femme dans la société. Puisque le viol de corps de la femme affecte à la fois l'individu personnellement et la reproduction de toute la communauté. L'anthropologue Véronique Naoum-Grab explique, et je cite, « En massacrant immédiatement l'ennemi masculin, on rend son sang infertile. En violant des femmes de cet ennemi, on occupe sa place dans l'avenir. » Donc le viol d'une femme, c'est véritablement une arme de guerre qui engendre douleur corporelle et domination politique et territoriale à travers la sexualité. Et ça, c'est notamment très présent dans les sociétés où l'honneur de la femme et de la communauté est basé sur la sexualité de la femme. Voilà, mais du coup, il faut aussi distinguer les viols utilisés comme armes de guerre et les viols commis en temps de guerre. Donc, souvent, le deuxième cas correspond à une situation de guerre où l'impunité n'existe pas et où la perception morale des actions menées contre l'ennemi est particulière puisque celui-ci est souvent dénué d'humanité aux yeux des soldats. Donc, ce qui ouvre la voie à de nombreux crimes et violences. Voilà, donc là, je vais me focaliser par exemple sur l'est de la RDC pour vous donner un exemple sur le viol comme arme de guerre. Donc, dans ce pays-là, les institutions internationales, locales et humanitaires estiment qu'il y aurait plus d'une centaine de milliers de femmes violées depuis 1996. Ce sont des viols commis par des groupes armés contre la population civile, dont l'objectif est de détruire l'ennemi en violant parfois toutes les femmes, qu'elles soient âgées ou enfants, et de tous les villages dans une zone précise. Les jeunes filles sont aussi enlevées pour devenir des esclaves sexuelles dans les camps des milices. Dans l'est de la RDC, les viols ne sont pas uniquement une conséquence de la guerre, mais une stratégie à part entière, car les viols sont perpétrés seulement pendant les reprises de combat et sont exclusivement liés aux tensions politiques et ethniques. Donc, comme expliqué plus tôt, l'objectif est de briser les réseaux familiaux, de solidarité et d'empêcher la reproduction de la population afin de détruire la communauté visée. Donc, les enfants issus de ces viols sont souvent abandonnés ou tués. Et les mères sont exilées de la communauté. En ce qui concerne les jeunes filles, celles-ci n'étant plus vierges, ne peuvent plus se marier. Donc en RDC, la place de la femme dans la société est conditionnée par son rôle d'épouse et de mère. Ainsi, les femmes violées apportent le déshonneur, la honte sur les familles qui les répudient. Donc ce qui impacte tout fonctionnement et la reproduction de la société. Ce qu'il est important de différencier, c'est bien, on parle bien aujourd'hui du viol comme une arme de guerre ou du viol en temps de guerre et pas du viol en soi. Faut bien que vous soyez conscient, vous qui écoutez, qu'on parle pas du viol de manière générale, mais bien de viol comme arme de guerre. Voilà, je me permets de souligner parce que ça paraît pas forcément si évident que ça, et quand on parle notamment en France des agressions sexuelles vécues par les femmes, on parle pas du tout de ce genre de problème. Oui, c'est absolument pas la même chose. Je pense que même les procédés psychologiques sont totalement différents. Mais voilà, j'ai essayé de bien montrer la différence. Donc les viols comme crime, comme arme de guerre, avec une stratégie derrière, stratégie militaire, politique, territoriale, et les viols en temps de guerre, donc qui sont induits par l'effet d'impunité créé par le contexte de guerre. Voilà. Après, au niveau de la scène internationale, le viol a été reconnu comme un crime de guerre et comme un crime contre l'humanité depuis les conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda. En 1898, le statut de Rome de la Cour pénale internationale intègre le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution, les grossesses et stérilisations forcées aux violences sexuelles perpétrées dans les conflits armés. Et que risquent les personnes qui sont reconnues coupables ? de viol ou d'agression sexuelle en temps de guerre ? Eh bien, en fait, très peu de choses. Parce que même si c'est reconnu, il n'y a encore y a pas vraiment de dispositif au niveau international pour vraiment punir ces personnes-là. Donc elles sont condamnées, mais il n'y a pas vraiment de punition. Et à ton avis, est-ce que c'est parce que c'est pas le problème principal de la communauté internationale et donc ben, c'est pas là qu'ils mettent des efforts ? Ou est-ce que c'est parce que les pays qui composent la communauté internationale et les ONG n'arrivent pas à se mettre d'accord et que du coup ça n'avance pas ? Alors je pense que c'est plutôt parce que c'est pas quelque chose qui est de principal dans le conflit. Officiellement, c'est considéré comme un crime contre l'humanité, mais ça reste quand même effacé par rapport à toutes les violences qu'il y a pendant les conflits. Donc, la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2000 représente un tournant dans les relations internationales, puisque c'est la première résolution portant sur la place des femmes dans les conflits armés. Donc, c'est une résolution importante car elle établit la nécessité d'intégrer plus de femmes dans les processus décisionnels et prend en compte les relations hommes-femmes dans les opérations de maintien de la paix et de reconstruction. Donc, ces mesures sont renforcées par la résolution 1820 de 2008 concernant les violences sexuelles perpétrées contre les femmes et les filles durant les conflits, la résolution 1888 de 2009 qui met en place un représentant particulier chargé de lutter contre les violences sexuelles dans les conflits armés, ainsi que la résolution 1960 de 2010 qui permet un recensement des parties pratiquant ces violences et de les sanctionner. Cependant, les violences sexuelles restent très peu punies, même celles perpétrées durant les opérations de maintien de paix de l'ONU. D'ailleurs, il y a eu quelques scandales sur des casques bleus, des soldats de l'ONU qui, et je ne sais pas si je dois utiliser le présent de l'indicatif ou le conditionnel pour en parler, mais voilà, qui auraient commis ou qui ont commis des violences sexuelles à l'égard de femmes. En effet, c'est arrivé et... D'ailleurs, donc Kofi Annan avait établi une politique de tolérance zéro à ce propos, mais le problème, c'est que les soldats, en fait, ont été renvoyés dans leur pays, mais n'ont pas été jugés pour ce qu'ils ont fait. Voilà, donc ça reste quand même très, très impuni. Mais donc, avec toutes ces résolutions à l'ONU, les femmes, peut-être, évoluent dans l'esprit international un peu moins en tant que seules victimes de la guerre, mais aussi en tant qu'actrices, potentiellement, parce que tu parlais de la place... dans les décisions, c'est peut-être le moment où on va commencer à parler de la femme guerrière potentiellement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, depuis plusieurs années, on observe de nombreuses évolutions dans les armées nationales, dont la dernière en date concerne l'Arabie Saoudite, qui a officiellement annoncé l'ouverture de certains postes militaires aux femmes. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Donc, c'est plutôt impressionnant, je ne m'y attendais pas. Est-ce que tu sais quels sont ces postes Alors, je ne pourrais pas dire exactement lesquels. Alors, je sais qu'elles n'ont pas accès à tous les postes, mais il faut qu'elles aient des compétences dans le domaine. Voilà. Et en France, depuis 2017, on a une femme qui est ministre des Armées. Mm-hmm. Et pour la première fois en 2018, une femme officier ouvre le défilé militaire du 14 juillet, symbolisant la féminisation de l'armée. Qu'il y a une volonté d'attirer plus de femmes dans l'engagement militaire qui peut se constater au quotidien à travers les campagnes de recrutement de l'armée qui régulièrement mettent en avant les figures de femmes. Oui, et puis d'ailleurs, il y a de plus en plus de colloques et de conférences qui sont organisées par les armées, notamment à l'école militaire, par l'IRSEM, sur la place des femmes dans les armées. Donc il y a une vraie réflexion qui existe depuis plusieurs années déjà. Oui, oui, et c'est une réelle volonté de les intégrer et de continuer à les intégrer parce que actuellement en France, les femmes dans l'armée représentent que 15,5%, dont 60,3% sont dans les services de santé, 22,2% dans l'armée de l'air, 14,5% dans la marine et 10,2% dans l'armée de terre. Mauvais élève. Mais du coup, historiquement, l'armée française a été ouverte aux femmes à travers le service de santé en 1938, où celles-ci ont le droit de s'engager en temps de guerre. Et à partir de 1972, les femmes ont la possibilité de rentrer dans tous les domaines de l'armée avec tout de même un quota de femmes à recruter jusqu'en 1998. Que le ministère français de la Défense a mis en place depuis plusieurs années un plan d'action national contenant 5 grands piliers qui sont l'intégration des femmes dans la gestion des conflits et dans les situations de post-conflit, la protection des femmes contre les violences et le maintien des droits des femmes lors des conflits, la lutte contre l'impunité, la sensibilisation sur les violences genrées, les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité à l'international, correspondant à la résolution 1325 évoquée plus tôt. Avec ces évolutions, la France est la 4e armée la plus féminisée dans le monde, après les États-Unis qui sont à 18%, la Hongrie et Israël avec respectivement 20% et 33%. Néanmoins, le nombre de femmes dans l'armée française tend à stagner et n'est qu'à 15,5%. Ainsi, malgré le bon classement de la France au niveau mondial, il y a encore de nombreux efforts à fournir, d'où la mise en place par le gouvernement du plan mixité en mars 2019, dont l'objectif est de continuer à encourager la féminisation de l'armée et d'atteindre une augmentation de 10% de femmes d'ici 2025. Après, j'imagine que, comme tu l'évoquais plus tôt, malgré la féminisation de l'armée, non seulement il reste des efforts à faire par rapport à la part des femmes, mais aussi par rapport à leur position et à comment elles évoluent dans la carrière. En effet, les femmes continuent de faire face à de nombreux obstacles au sein de l'armée, déjà pour évoluer dans les postes, mais aussi elles font face à des discriminations et harcèlements sexuels et moraux qui sont basés sur la différence de genre. Donc ces violences s'ancrent dans un contexte général qui touche la société entière et ne correspond pas uniquement à l'armée. Donc c'est dans tous les domaines professionnels, qu'ils soient publics ou privés. Mais du coup, dans l'armée, par exemple, malgré les réglementations interdisant la prise en compte des congés de maternité dans la notation des militaires, les femmes font quand même face à des sanctions et culpabilisations pour ne pas avoir été aussi productives que les hommes pendant cette période. De plus, les cas de harcèlement et de violence qui sont dénoncés sont bien souvent étouffés de peur d'un procès médiatisé et de demandes de réparation démesurées. Même si la plupart de ces actions sont condamnées en interne, elles sont encore beaucoup pratiquées ou ignorées. Oui, et puis même en regardant un peu plus largement sur l'évolution de la carrière, et là je m'adresse à ceux qui travaillent dans le monde militaire ou qui côtoient des militaires, combien de femmes générales connaissez-vous ? Peu, normalement, à moins que vous connaissiez toutes les femmes générales. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a peu, et il y a peu de femmes qui peuvent justement monter jusqu'à ce point-là. Donc il commence à y en avoir pas mal, hein, des lieutenants-colonels, des colonels, mais ça reste assez, plus qu'anecdotique, mais ça reste réduit. Et le fait qu'il y ait peu de femmes au départ, et qu'elles soient interdites de certains postes, soit interdites par nature, soit interdites parce que juste elles passent pas les tests physiques, hein, ce qui peut arriver, ça prend en compte. Mais il y a peu de temps, finalement, il y a un peu moins de 2 ans, il me semble, on a ouvert nos premiers postes aux femmes dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc il y a la première patrouille mixte qui est partie. Alors il y avait à la fois peu de femmes sur cette patrouille, mais aussi parce qu'il y avait très peu de volontaires. On peut comprendre pourquoi on n'a pas spécialement envie de passer 3 mois coupés du monde dans un sous-marin, même si un sous-marin, c'est super chouette. Voilà, il y a toute une éducation à faire aussi auprès des jeunes qui veulent s'engager. Oui, et d'ailleurs, pour les sous-marins, il y a eu tout un processus de féminisation des sous-marins pour que ce soit bien adapté aux besoins et pour la protection aussi des femmes. Oui, notamment en termes de sanitaire, elles ne devaient pas partager les mêmes, donc ça a demandé une réorganisation intérieure en fait, du sous-marin, qui était importante. Donc ça veut dire que ce n'était pas un choix fait à la légère. Et elles ne pouvaient pas, pareil, partager les chambres avec des hommes. Oui, exactement. Au-delà de la féminisation des armées, il y a aussi, les femmes sont aussi très présentes dans les luttes armées. Donc ça reste plus illégal, moins officiel que les armées nationales, hein, mais elles sont quand même présentes. Et en étudiant les conflits armés en Irlande et au Pérou, Maritza Felices Luna, qui est une spécialiste en criminologie, fait le constat que l'engagement féminin se fait soit par vocation, soit en raison des circonstances ou sous la contrainte. Les engagements par vocation résultent d'une prise de conscience d'une inégalité ou d'une injustice induite par un système ou un gouvernement et qui implique une action directe, ne pouvant être autre que la lutte armée. Les femmes rejoignent aussi ces actions en raison des circonstances, sans que ce soit un choix politique évident. À travers des circonstances qui peuvent être aléatoires, des femmes peuvent se retrouver à rallier une équipe médicale ou fournir des équipements et du financement. Et enfin, le dernier engagement qui fut plus employé dans les campagnes péruviennes ne résulte pas d'une décision personnelle, mais de la soumission d'individus en situation de vulnérabilité et à des organismes en recherche d'effectifs. Donc l'engagement sous la contrainte est un choix de survie face à la menace de mort. Et est-ce que cet auteur met en avant l'importance de la cellule familiale qui, si elle-même est engagée dans la lutte, engage à la fois les hommes et les femmes? Et en termes de rôle, est-ce que les femmes qui s'engagent ne sont reléguées qu'aux questions du care, en fait, nourrir les combattants, ce qui fait partie du rôle, ce qui fait partie du rôle général d'une organisation qui soit terroriste ou juste combattante. Mais est-ce qu'elles vont aussi porter potentiellement des bombes, les mettre quelque part, notamment dans le cadre de l'IRA? Je sais que les femmes sont... Donc l'IRA, c'est le groupe terroriste nord-irlandais. Je sais qu'elles sont particulièrement actives. Oui, tout à fait. Il y a des femmes qui prennent réellement les armes. Elles ne sont pas uniquement dans les stations médicales, elles prennent les armes. Et d'ailleurs, à travers l'histoire et même actuellement avec l'IRA, les femmes en fait ont toujours pris les armes. Par exemple, en Europe, entre 1936 et 1939, pendant la guerre civile espagnole, le Parti communiste a repris les revendications féministes afin de recruter plus de femmes dans ses rangs. Donc là, c'est vrai que l'objectif de départ était qu'elle remplace les hommes qui étaient partis combattre et donc d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation. Mais très vite, elles ont aussi rejoint les hommes avec les armes et elles ont aussi montré une nouvelle image de femmes actives et miliciennes. Et il ne faut pas oublier aussi que c'était un contexte historique où elles se battaient pour leur émancipation économique, politique et sociale. Et donc aussi plus récemment, donc nous pouvons prendre l'exemple des combattantes kurdes en Irak et en Syrie qui ont pris les armes pour lutter contre l'État islamique. Cependant, la forte médiatisation de leur image, qui est extrêmement glamourisée, renforce les stéréotypes basés sur la contradiction entre femmes et violence et diminue l'importance du combat des soldats femmes. Ce phénomène s'est aisément vu avec la focalisation des médias occidentaux sur l'image d'une combattante kurde qui fut, jusqu'à sa mort, sur le champ de bataille, surnommée la Angelina Jolie kurde. Donc, nous pouvons aussi observer de nombreuses femmes dans la lutte armée palestinienne. Donc, les femmes sont présentes depuis plus longtemps en Palestine. Donc, déjà sous le mandat britannique, elles participaient activement aux grèves, manifestations, transportaient des armes, saboter aux côtés des groupes nationalistes palestiniens. Est-ce que le fait d'utiliser une femme qui potentiellement provoque moins de méfiance de la part de l'adversaire peut être une stratégie des groupes de combattants? Et est-ce que les opposants en face ont commencé à penser à des... Voilà, par exemple, aujourd'hui, est-ce que contre l'État islamique, c'est un peu moins la question, mais... Par exemple, les combattantes kurdes, est-ce que la Turquie potentiellement a pensé à les soupçonner au même titre que les hommes, ou est-ce qu'elles ont toujours un espèce de statut de... pas intouchable, mais relativement moins dangereux? Alors, je ne pense pas que c'était une stratégie des soldats d'inclure des femmes dans leur milice, parce que... Quand on regarde le parcours des femmes kurdes dans la lutte armée, elles se sont battues pour être intégrées. Du coup, ça vient vraiment des femmes qui ont eu cette volonté de prendre les armes. Et les hommes, après, je pense qu'aujourd'hui, les hommes utilisent l'image de ces femmes combattantes pour la communication. Puisqu'on en parle beaucoup des femmes combattantes kurdes. Et du coup, ça leur permet une exposition sur la scène internationale. Après, je ne saurais pas dire si, au niveau des armées ennemies, elles sont plus prises au sérieux. Je sais que, par exemple, pour la Turquie, c'est très critiqué. C'est vu comme une aberration pour la société. C'est une aberration pour la société. Et du coup, là, je parlais des Palestiniennes qui étaient engagées depuis déjà très longtemps dans le combat avec les hommes. Mais du coup, à partir de 2000, elles ont leur combat a évolué, enfin leur action dans le combat a évolué lors de la seconde intifada où elles deviennent des femmes kamikazes. Donc en 2002, Yasser Arafat appelle les femmes à libérer la Palestine et à se sacrifier. Donc le jour même du discours, une jeune Palestinienne perpétue un attentat suicide dans un centre commercial de Jérusalem qui sera revendiqué par une milice du Fatah. Donc, ces actions perpétrées par les femmes sont souvent analysées à travers une dimension psychologique et émotionnelle, ce qui n'est pas le cas pour les hommes kamikazes. Donc, comme le dit Elisabeth Marteux, qui est spécialiste du Moyen-Orient, on cherche systématiquement des tragédies personnelles dans les vecteurs de la violence politique des femmes. Et encore plus récemment, depuis 2015, nous pouvons observer une nouvelle évolution des pratiques armées des Palestiniennes. Donc, nombreuses sont arrêtées ou tuées en tentant de poignarder des Israéliens. Donc, ce sont des actions généralement perpétrées par des femmes qui sont jeunes, célibataires et qui ne sont pas dans le cadre d'un mouvement nationaliste. Donc, c'est fait de manière individuelle et improvisée. Donc, ces actes montrent que l'engagement des femmes dans la lutte armée est plus complexe et que celles-ci ont un libre arbitre dans la prise de décision de se sacrifier. Il y a aussi, dans le sens de ce que tu dis, toute la question maintenant de la place des femmes, du rôle qu'ont eu les femmes avec Daesh, par exemple, et justement qu'il y a la difficulté à savoir qui a vraiment activement participé ou qui a été une victime. Est-ce que tu t'en sais un peu plus sur cette question-là ? Alors, je sais que les femmes qui ont participé à l'État islamique, elles ont été quand même assez nombreuses. Après, c'est vrai qu'elles ont tendance, aujourd'hui, qu'on parle beaucoup de la fin de l'État islamique, on sait que c'est pas réellement la fin, mais ils ont quand même perdu pas mal de batailles, mais de nombreuses femmes se font passer aussi pour des victimes, alors qu'elles ont joué un rôle important pour faire venir d'autres femmes dans le califat, pour inciter d'autres femmes à devenir kamikazes. Donc, les femmes ont quand même, oui, eu un rôle important à jouer. Et est-ce que tu penses que, parce que ce sont des femmes, on va avoir plus tendance à les croire ou minimiser leur action, notamment, par exemple, pour leur retour, le retour des anciens de l'État islamique, ça pose une vraie question et un vrai problème en France, notamment concernant les femmes et les enfants. Est-ce que tu penses que, voilà, parce que ce sont des femmes, on va potentiellement plus leur pardonner ou plus croire à leur statut de victime ? Et oui, justement, je pense que en fait, il y a encore l'idée qu'une femme ne peut pas faire partie d'un groupe armé ou de faire une action violente sans que ce soit induit par engendré par une manipulation mentale ou par des émotions qu'elle ne contrôle pas. Donc il y a énormément de préjugés qui jouent dans notre vision des femmes combattantes, mais qui a un impact très clairement sur notre manière de gérer tout simplement, par exemple, des femmes terroristes, en leur pardonnant aussi facilement, ou en pensant que tout passe par l'émotion ou la manipulation, on oublie quelque chose en fait, très clairement, on oublie déjà le pourquoi de leur engagement, et ensuite on oublie que si c'est pas de la manipulation, elles pourraient recommencer, en fait, tout simplement, parce qu'elles sont convaincues. Ouais. Oui, bah, du coup, oui, clairement, leur rôle en tant que soldat est diminué. Les femmes jouent aussi un rôle important dans les situations de post-conflit. Donc, le contexte de guerre a tendance à changer le rôle traditionnel des femmes, car elles sont amenées à mettre en place de nouvelles stratégies afin de survivre et reconstruire. Par exemple, en Albanie, les femmes ont mobilisé toutes les communautés autour d'un projet du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, qui consistait à recueillir les armes et soutenir les initiatives locales de développement. Les changements de rôle engendrés par les situations de conflit permettent aux femmes d'avoir une nouvelle place dans la société et de s'émanciper. Donc, il apparaît de plus en plus important pour les organisations internationales de promouvoir la participation des femmes au processus de mise en place et de maintien de la paix. Jusqu'à la résolution 1325 de l'ONU, les femmes n'étaient pas intégrées dans ces processus car il était majoritairement admis que leur place dans la société ne concernait que l'espace privé et la maternité. Et encore aujourd'hui, cette intégration nécessite des changements de mentalité profonds sur le rôle de la femme. Pour cela, les opérations de maintien de la paix et les interventions humanitaires mettent en place des politiques dites sexo-spécifiques. Ainsi, par exemple, l'Institut international de recherche et de formation des Nations Unies pour la promotion de la femme a créé des guides intitulés « Parvenir à l'égalité pour engendrer la paix », « Guide d'action et de planification sur les femmes », la paix et la sécurité, ou encore outils pour prévenir, combattre et réprimer la violence contre les femmes. Ainsi, le lien entre paix durable et émancipation des femmes est clairement établi. Et c'est notamment en Afrique où il y a un vrai effort sur l'implication de la femme dans ce genre de projet. Oui, exactement. Je peux vous parler plus particulièrement des pays francophones d'Afrique, parce que l'OIF a inclus depuis quelques années, non, 1 ou 2 ans, la question des femmes, justement, dans le maintien de la paix. Donc, au Burundi, par exemple, en raison des violences entre ethnies en 1998, les partis politiques se sont réunis pour mettre en place la paix, mais sans qu'aucune femme ne soit présente. Les femmes Tutsi et Hutu ont donc créé des associations de femmes comme Réseau des femmes pour la paix et la non-violence, ou encore l'Association des femmes pour la paix, afin de se réunir et construire une stratégie de reconstruction du pays. Mais en fait, leur voix a été entendue uniquement parce que Nelson Mandela, qui s'occupait des pourparlers au Burundi à l'époque, a organisé une conférence de paix pour les femmes, où toutes leurs demandes ont été entendues. Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie de la part des femmes d'avoir quelqu'un d'extrêmement connu pour pouvoir elles-mêmes être entendues. Alors, je dirais pas que ça a été une stratégie de leur part. En tout cas, elles ont fait tout leur maximum pour être entendues et c'est lui qui a décidé de les écouter. Et donc, ça a été un combat extrêmement compliqué pour ces femmes burundaises parce que elles ont longtemps été invisibles et peu écoutées dans la sphère publique puisque ça ne correspondait pas à leur statut traditionnel. Et ça, c'est encore une vision qui est très répandue dans de nombreux pays encore. Et je pense qu'il faudra, par exemple, lorsque les conflits en Syrie et en Irak vont réellement se finir, il faudra faire attention à inclure les femmes dans le processus de paix. Oui, parce que considérer que on n'a pas besoin des femmes dans le processus de paix ou qu'elles sont relayées assez basiquement à la maison, c'est oublier toute une partie de la société. C'est-à-dire que même dans les sociétés, je dirais, assez traditionnelles où la femme est cantonnée à un rôle d'épouse et de mère, elle participe en fait à la création de la société et à une certaine culture. Donc c'est vrai que les inclure dans le processus, ça permet à la fois l'émancipation de la femme, mais aussi peut-être la création d'une nouvelle culture, d'un nouveau type de culture qui permet à une société peut-être plus pacifiée que celle qui existait avant. Oui, exactement. D'ailleurs, dans les revendications des femmes dans les processus de paix, elles demandent à être intégrées dans les sphères du travail, d'avoir plus de droits à l'école. Donc ça, c'est clairement, ça permet aussi de mettre en avant des volontés propres qu'elles ne pouvaient pas exprimer aussi avant. Donc la guerre peut potentiellement être une opportunité, alors je sais que c'est assez horrible de dire ça comme ça, mais une opportunité pour les femmes à la fois de s'émanciper en prenant le travail des hommes qui sont partis combattre, en les rejoignant sur les zones de front, et ensuite en étant plus impliquées dans les processus de reconstruction de paix. Je sais que ça paraît assez affreux dit comme ça, mais... Oui, c'est affreux de dire ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé en Europe, c'est... Les femmes ont bien obtenu le droit de vote, grâce, en tout cas en France, grâce à leur implication dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est-à-dire exactement. Que d'un conflit peut naître, d'un conflit même terrible, peut naître des nouveaux droits et des nouvelles mentalités grâce à l'implication des femmes. Parce qu'on reconnaît du coup leur rôle dans la guerre, dans le rôle qui... Parce que du coup, pendant, en France, les femmes ont pris la place des hommes dans la société. Du coup, on a reconnu leur capacité à faire le travail des hommes. Oui, et encore, c'était pas quelque chose qui a été évident, dans le sens où même après avoir vu ce que les femmes pouvaient faire, et ça dans plusieurs conflits, les femmes doivent encore se battre pour ne pas perdre les droits qu'elles avaient acquis et pour en gagner plus, en fait. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que du coup, n'importe quel droit que nous, femmes, avons acquis, il faut qu'on soit vigilante parce que ça peut nous être retiré à tout moment. Oui, et d'ailleurs, on parle des femmes, on pourrait aussi parler des minorités dans leur ensemble. Minorité entendue là, non pas en termes de nombre, mais en termes de place politique. Pour conclure, dans ce dossier, nous avons tenté de parler de la place des femmes dans la guerre. Donc, que ce soit en tant que victime des violences ou en tant qu'actrice de la guerre et dans les situations de post-conflit. Donc, nous nous sommes attardés sur le viol en temps de guerre et comme une arme de guerre, notamment dans le contexte de la RDC, afin de bien démontrer la complexité de ces actions et les enjeux stratégiques qui y sont liés. Au-delà des femmes victimes de la guerre, celles-ci sont aussi impliquées dans la guerre à travers la féminisation des armées et l'engagement des femmes dans certaines luttes armées, comme vous avez notamment pu le constater à travers les miliciennes espagnoles, les combattantes kurdes ainsi que les palestiniennes kamikazes. Alors du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui reste à faire ? Qu'est-ce qui reste à faire, non pas pour le droit des femmes de manière générale, mais pour cette relation femme-guerre ? Qu'est-ce qui, selon toi, mérite encore qu'on y passe du temps ? Alors, selon moi, ce qui est important, c'est qu'au niveau international comme national, on fasse plus d'efforts pour sanctionner le harcèlement et les violences dans les situations de guerre. Parce qu'on l'a reconnu, ça a été reconnu, c'est un bon début, mais il faut maintenant punir et... D'accord, la sanction. Et en termes de féminisation des armées, alors toutes les armées ne fonctionnent pas de la même manière. Pour certains, il y a des quotas, pour d'autres, il y a des... Notamment comme en France, il y a un abaissement des niveaux physiques requis. Qu'est-ce que tu penses ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de femmes générales ? T'as peut-être pas la réponse, hein, mais... Alors, j'ai pas forcément de réponse à ça. Pour moi, l'armée, c'est le même combat dans l'armée que dans les autres sphères professionnelles. C'est le plafond de verre. Le briser, trouver un moyen de le briser. Et par exemple, rien que pour les discriminations à l'embauche, moi je pense qu'il y a un début à faire avec les congés de paternité, par exemple. Par exemple, dans le cas où je vous disais que les femmes on les culpabilisait pour leur congé maternité, si les hommes avaient aussi un congé paternité plus ou moins aussi long, elles seraient moins sanctionnées. J'avais une autre question, pour ce qui est, on en a déjà un petit peu parlé de la question des femmes combattantes, la manière dont on les voit, la manière dont on les juge. Est-ce que c'est une question des mentalités qui doit changer, dans la justice notamment, sur la culpabilisation ou la non-culpabilisation des femmes qui sont partie prenante, des combats, qu'ils soient terroristes ou non? Ou est-ce que il y a une application des peines plus souple et dans ce cas-là qui serait à revoir en fait. Alors après, en termes d'application des peines, je dois dire que je n'y connais pas énormément. J'ai l'impression que le cas de la Syrie, c'est un peu unique. On avance un peu dans le noir. On s'est jamais retrouvé dans un cas pareil. Je pense déjà que tout naturellement. Les femmes djihadistes vont se positionner déjà en tant que victimes parce qu'elles savent aussi très bien que il y a encore une image de la femme qui est très d'une femme douce, qui ne peut pas porter une arme, qui ne peut pas avoir des actions violentes envers quelqu'un d'autre. Ça reste encore très très ancré dans l'image de ce que doit être une femme. Donc c'est ça qu'il faut changer, je pense, pour que si on veut établir des peines qui seraient les mêmes que pour les hommes, par exemple. En tout cas, merci beaucoup Anaïs d'être venue nous parler de ce sujet et de l'avoir abordé sous tant d'angles différents, puisqu'en général, on se concentre que sur un seul aspect et c'est bien d'avoir une vue d'ensemble pour vraiment comprendre cette problématique. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un peu hésité avant d'en parler et d'évoquer la question de la femme dans les relations internationales et dans la guerre, notamment parce que l'objectif de vous en parler, c'est pas un objectif qui soit féministe en soi, c'est simplement de mieux prendre en compte un des personnages de la guerre, mieux comprendre la guerre, l'avant-guerre et l'après-guerre. Donc on a pas mal hésité, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se revoit bientôt pour notre 12e épisode qui fêtera nos 1 an de Léviathan. À bientôt.